Chapitre 3e. Autour des deux hommes, la route était déserte. La nuit venait rapidement. Ikko Teruka, son genou appuyé sur la poitrine du Chinois, fit luire un court poignard dont il enfonça légèrement la pointe dans le cou de sa victime. « Réponds à mes questions et ne mens pas, ou je te tue sans pitié, bandit !» lui dit-il. « Qui t'a dit de me suivre ? Réponds vite, le nom !»« Je ne vous suivais pas !» commença le Chinois. Mais la pointe du poignard s'enfonça d'un millimètre dans sa peau. Il poussa un râle de douleur et de terreur. « C'est ma congrégation !» gémit-il. « Quelle congrégation ? Celle de Chefou. Le nom de son chef. « Ousu. Pourquoi m'as-tu suivi plutôt qu'un autre ?»« Parce que j'étais désigné. Plusieurs d'entre nous avaient été apostés devant la maison de la police et devaient suivre tous ceux qui entreraient aujourd'hui. »« Quand dois-tu revoir Ousu ?»« Je ne dois pas le revoir. » Je dois aller à la congrégation à Cholon, rue du Soleil, et faire mon rapport au surveillant. Son nom ? Qui ? Quel est le mot de passe pour entrer ? Comment entre-t-on ? Explique-toi. Il faut aller chez l'épicier Lampoun et prononcer les trois mots You, Eul, Cho. Elle, oreille, langue. Ensuite, on entre dans la maison et on fait son rapport. Très bien. Ne bouge pas, je vais te ligoter. Je vais aller à ta place chez Lampoun et je reviendrai ensuite te libérer. Tant pis pour toi si tu m'as menti. » Ce disant, Ikko Teruka, en moins d'une minute, eut lié pieds et poings au géant à l'aide d'une mince et solide cordelette. Puis, sans tenir compte de ses grognements, il le saisit par les pieds et le traîna jusque dans le fossé bordant la route. « Je suis mort, » gémit le prisonnier. « Ils vont vous reconnaître et ils viendront me tuer. »« Mais non, imbécile, tu vas me dire ton nom. »« Je dirai que je suis ton neveu, arrivé aujourd'hui de Singapour par le paquebot. »« J'expliquerai que tu t'es senti malade. » et que j'ai suivi à ta place un de ceux qui sortaient de chez le commissaire. Cet arrangement ne satisfit qu'à moitié le Mandchou, mais Ikko Teruka lui ayant proposé de l'accepter ou d'avoir la gorge percée, il se résigna et déclara qu'il était né à Taku, était âgé de 31 ans, habitait à Cholon, rue du Poirier d'Or, et se nommait Chou. Ikko Teruka nota tous ces renseignements dans sa mémoire, puis, pour plus de sûreté, bâillonna le prisonnier après lui avoir promis une fois de plus de revenir le délivrer. Il le recouvrit d'un tas de branchages sèches et s'éloigna. Entre-temps, la nuit était complètement venue. Malgré les ténèbres, Ikko Teruka eut vite fait de changer une fois de plus sa physionomie à l'aide de quelques coups de crayon de couleur. Après quoi, il se dirigea vers la petite gare de Chodoï où il prit le train pour Cholon. Cholon est une ville de 50 000 habitants située à une douzaine de kilomètres de Saïgon et qui est habitée en majeure partie par des Chinois. Ikko Teruka la connaissait, comme il connaissait toutes les villes d'Extrême-Orient. Il eut rapidement trouvé la rue du Soleil et arriva devant la boutique de l'épicier Lampoun. C'était un vaste magasin devant lequel des barils de poissons séchés étaient entr'ouverts. Des chiens bouillis étaient suspendus à des fils de fer côte à côte avec des canards aplatis. De chaque côté de la porte d'entrée, une énorme lanterne de papier rouge ornée de caractères mandchous éclairait faiblement l'étalage. Un chien difforme était assis sur le seuil. Ikko Teruka passa devant l'animal et pénétra dans la boutique. Un grand Chinois, maigre comme un squelette, s'avança au-devant de lui. « L'honorable Lampoun ?» demanda le célèbre détective en s'inclinant à la manière céleste. « C'est moi, que veux-tu ? » Ikko Teruka tranquillement se pencha vers son interlocuteur et prononça les trois mots que son prisonnier lui avait enseignés. Lampoun le regarda avec méfiance, puis, sans insister, lui ordonna de le suivre. Ikko Teruka obéit.